j'ai Raymond Poirier avec moi qui vient nous parler de technologie, de l'information, plus précisément Big Data. Mais cette semaine, c'est plus du côté entreprise, là. Exactement. En fait, on a exploré pas mal dans les dernières semaines le côté citoyen, le côté municipal de la chose. Et je profite un peu de l'occasion de la tenue il y a quelques temps de Big Data Paris pour explorer un peu le côté business, le côté affaires de la chose. C'est un peu la thématique qui était poussée du côté de Paris, justement. Évidemment, petit rappel autour de la question des données massives, donc du big data. Les entreprises, comme tout le reste, font face à cette explosion des masses de données à traiter. Le monde change tranquillement. Du côté de l'entreprise, on remarque que 50% des données qui sont utilisées pour l'innovation proviennent de l'extérieur de l'entreprise, peuvent être chercher à l'extérieur aussi, cette entreprise-là est recherchée à l'interne. Donc, ça change un peu la manière de faire. On a plus de données. C'est pas une diminution. C'est vraiment une explosion de ce côté-là. Et en conférence, il y avait le vice-président des ventes Big Data de SAP qui disait que chaque minute, on dénombrait 2 millions de requêtes, 2 millions de recherches qui sont faites sur Google, 200 millions de courriels qui étaient envoyés. À chaque jour, plus de 2,4 milliards de conversations autour des différentes marques. Donc, c'est quand même beaucoup. Oui. Et nécessairement, mais ça veut dire que pour les entreprises, il y a là intérêt à aller capitaliser sur cette information-là, trouver des manières de l'utiliser au bénéfice de l'entreprise. Et il faut dire que c'est dans un contexte aussi où, pour l'instant, la manière dont on envisage beaucoup le big data, du moins les progrès qui ont été peut-être les plus marqués, viennent aussi du côté entreprise, parce que justement, pour eux, dans les ventes, dans le marketing, dans la publicité, ben il y a déjà un grand intérêt. Et donc, c'est le premier intérêt, donc c'est la première zone qui a été peut-être un peu plus forée. Ouais, ben oui. Et bon, dans ce contexte-là, bon, on pense à Google, Amazon, Facebook, Netflix et d'autres qui sont un peu les premiers à venir tirer les bénéfices de ce big data-là. Google, en fait, on le rappelle, réalise à peu près 95% de son chiffre d'affaires avec de la publicité qui est monétisée. Quand on fait une recherche, quand on fait la somme des recherches qu'on fait, selon les vidéos qu'on va voir avec notre compte Google Plus sur YouTube, avec les liens sur lesquels on clique, Facebook fait la même chose également. Et donc, ça permet d'avoir de la publicité ciblée. Donc, c'est un élément de vente peut-être plus intéressant pour ces firmes-là. Et évidemment, avec ça, ils font quand même des gros sous. C'est un peu la première utilisation des données qu'on va générer dans nos recherches. Parallèlement, ben, il y a aussi d'autres éditeurs comme Oracle, SAP, IBM, HP et d'autres qui également vont avoir peut-être un peu d'intérêt à aller chercher de l'information dans l'utilisation que fait l'internaute des différents outils pour bonifier peut-être le développement de ces outils-là, pour développer d'autres éléments qui s'y répondent précisément à des besoins des utilisateurs. On voit aussi Nestlé, Procter & Gamble, Dell, eux ont mis en place ce qu'on appelle des war rooms pour scruter la toile, pour éviter d'un côté les critiques négatives évidemment, mais aussi pour mettre leurs services de recherche et développement à l'écoute du marché. Donc l'idée, c'est qu'ils regardent, qu'ils observent, qu'ils analysent et qu'ils essaient de voir quels sont les besoins qui sont exprimés, de quelle manière ils pourraient orienter s'il y a des tendances fortes qui se développent, donc orienter leur recherche-développement pour aller répondre précisément à ces besoins-là. Justement, c'est exponentiel parce que ça se passe la balle, là. Les entreprises regardent les particuliers et les particuliers profitent de ça par rapport aux données au feedback qu'ils donnent aux entreprises, puis ça fait un effet boule de neige, là. Et c'est un peu, en fait, la stratégie même au niveau marketing du big data, même du processus où on dit du côté de l'entreprise, mais regardez, on est de cette façon-là, plus à l'écoute du consommateur, on peut mieux répondre à ses besoins parce qu'on peut mieux le connaître. Donc, évidemment, ça peut amener certaines personnes à avoir des poils qui s'hérissent sur les bras en disant, mais oui, mais est-ce qu'on se rapproche quand même donc de Big Brother et le reste, donc des notions de surveillance? Bon, c'est un autre débat, mais reste que dans le contexte, c'est un peu comme ça qu'on nous présente cette révolution-là du point de vue de l'entreprise au stade où on en est. Mais évidemment, qui dit révolution, Michel, ça implique aussi des changements à l'intérieur des organisations, parce que si on amène ces éléments-là, si on dit qu'il y a beaucoup plus d'informations qui sont disponibles, ben ça change les manières de faire et ça modifie aussi les manières de faire. Je te donne quelques exemples qui étaient mis de l'avant justement lors de l'événement Big Data Paris. On parlait notamment de nouveaux métiers. Dans la mesure où on parle, par exemple, de gens qui sont des data scientists, donc des analystes, des gens qui sont capables de générer des algorithmes, qui sont capables de générer du code pour aller scruter les données selon différents paramètres, pour aller chercher l'information, parce que, évidemment, c'est une masse immense, donc tout ce qu'on appelle le data mining, le forage de données, eh bien, ça devient extrêmement important, parce que il faut savoir quelles questions poser, il faut savoir comment les poser, et il faut savoir qu'est-ce qu'on va aller chercher comme information pour être en mesure de tirer quelque chose de ça. Sinon, ben, on s'enlise, tout ben simplement. Oui, faut savoir aller chercher l'aiguille qu'on veut dans cette botte de foin-là, qui est cette information qui est gigantesque. Et à la limite, il y a des formules où les gens disent, ben, il y a pas de, toutes les réponses sont là, il n'y a que les mauvaises questions. Donc, si vous trouvez pas nécessairement réponse à votre question et que vous avez des données disponibles, c'est que votre question est pas bonne, c'est que votre manière d'aller chercher la réponse n'est pas nécessairement la bonne. Donc, il faut former des gens. Évidemment, là-dessus, ben, pour l'instant, il n'y a pas encore nécessairement beaucoup de programmes de formation qui sont liés à l'utilisation des données. Il n'y a pas beaucoup d'approches, même en termes de journalisme, de données. Ça commence à arriver tranquillement. Donc, on peut imaginer qu'au niveau du système d'éducation, qu'au niveau des professions aussi, mais il y aura tranquillement une sensibilité plus grande pour faire le reflet à cette sensibilité qui se développe aussi à l'intérieur des entreprises. Ah oui, peut-être des programmes universitaires, etc., qui vont se former. Là. Et parallèlement, l'autre élément qu'il faut garder en tête, c'est que dans l'organisation, il y a l'intégration du big data dans l'aide à la décision, mais que ce big data-là ne viendra pas remplacer des emplois qui sont en place, vont simplement venir les modifier. Exemple, quand on parle de conception publicitaire, quand on parle de mise en marché de produits, eh bien, le big data va nous permettre d'aller chercher de l'information, d'aller chercher un profil précis, d'aller rejoindre précisément des gens, mais reste que il faut quand même développer une approche de vente, il faut quand même développer une technique de vente. Donc, il va avoir toujours besoin de ces emplois créatifs, si on peut dire, donc dans le domaine de la mise en marché, qui vont savoir utiliser ces données-là, mais qui n'auront pas l'impression que les données vont être la panacée qui amène toutes les réponses. Ils vont amener des nouveaux éléments de solution, ils vont amener des éléments de solution de plus en plus précis, mais ils n'amèneront pas la solution. Ça va être la même chose dans un peu tous les domaines. En médecine, évidemment, on peut pas remplacer le médecin par une machine qui est en mesure de faire un diagnostic. La machine qui va être en mesure de faire le diagnostic va soumettre des probabilités, va donner des idées, des perspectives, va peut-être faciliter la démarche médicale, mais ne viendra pas remplacer le professionnel humain qui, lui, va avoir la personne, le patient avec lui. Le patient ne sera pas laissé à lui-même non plus face à ça. Ils vont pouvoir travailler de manière collaborative face à ces conclusions-là pour trouver la bonne. Ça aiguillonne finalement le savoir-faire humain. Exactement, et ça le facilite. Et dans ce contexte-là, ben ça veut dire qu'aussi au niveau de la décision d'entreprise, ben faut pas non plus se dire que cette révolution-là va amener les citoyens et citoyennes à être remplacés par des chiffres, par des données. Donc c'est simplement encore là dans la décision en général, donc un outil additionnel. Donc, pour aiguiller, comme tu disais très bien. Et dans ce contexte-là, ben, on amène des suggestions. On dit aux gens, ben, essayez d'intégrer ça intelligemment. Évidemment, et ça, c'est un défi. C'est un défi énorme. Évidemment, tout ce qui concerne un peu le big data, parce que pour l'instant, on apprend à le connaître, on apprend à le découvrir. Et enfin, même du côté de l'université, nous, à l'Institut de technologie de l'information et société, on présente un colloque le 29 avril prochain, justement, pour essayer de comprendre un peu le big data, la génération de données, l'impact dans les organisations. Et un peu dans cette perspective-là, quand on parle d'organisation, ben au colloque à Paris, dont je vous parle un peu pour lier cette chronique cette semaine, on donne différents conseils justement pour essayer de mieux faire les choses, et tout ça autour d'une devise qui est promulguée par IBM, où on dit « Think big, start small », donc pensez grand, mais commencez petit. Il faut pas commencer par révolutionner l'entreprise, il faut commencer par intégrer progressivement les choses. Oui. Et ensuite, ben, dans ça, on dit, ben, regardez, il faut structurer ces données, il faut trouver des manières de les héberger à l'intérieur de l'entreprise, il faut déployer ces systèmes informatiques pour être en mesure, justement, de maximiser leur capacité d'analyse. Et en parallèle, ben, il faut aussi essayer de minimiser, si on peut dire, le clivage qui pourrait avoir entre la prise de décision, les organismes plus affaires en fait dans l'entreprise, et les gens qui sont plus spécialisés en technologie. Donc l'idée, c'est aussi à travers l'informatique, à travers le numérique au sens large, c'est quand même de mettre à bas des silos, d'unir les gens pour travailler vers un objectif commun. Et donc nécessairement, s'il y a un clivage entre les gens d'infrastructure et les gens d'analyse, eh bien ça risque de causer des difficultés. Au contraire, faut créer des ponts entre ces deux mondes. Il faut profiter selon les les experts de cette occasion-là pour les créer, ces ponts-là. Et en parallèle, ben, faut pas avoir peur de se tromper. C'est ce qu'on dit aussi, dans la mesure où on sait pas trop ce qu'on fait, on sait pas trop comment on se lance, on sait pas trop comment on développe. Donc, encore là, ben, il faut aussi accepter, de faire peut-être des erreurs, un peu comme le fait Google, d'ailleurs, il y a quelques temps avec son Google Flu, qui était un échec quand même assez massif. Évidemment, mais ils ont essayé quelque chose. Ben, c'est ça, c'est l'important. Quand on est aux prises avec une nouvelle technologie comme ça, faut ne pas avoir peur de se planter, tout simplement. Oui, puis ouvrir les portes aussi pour essayer, parce qu'évidemment, c'est des données qui sont quand même relativement publiques. Et c'est intéressant, ça, je suis tombé là-dessus début février. Il y avait Twitter, il y a eu Facebook aussi, qui avait commencé à ouvrir des ponts vers le milieu de la recherche pour permettre un libre accès aux données. Twitter a même annoncé ce qu'il appelle les « data grants », donc des bourses de recherche. Donc il y avait invité au fil du mois de mars des gens à présenter des projets de recherche qui impliquaient les données de Twitter, et là Twitter allait fournir les données pour encadrer et fournir un peu de budget aussi pour encadrer ces projets de recherche là. Parallèlement, ben ça amène aussi des gens à se dire, ben il y a peut-être des possibilités de faire de l'histoire quand même assez récente avec ce type d'outil là. Il y a eu, je sais pas si tu avais vu ça passer ou si les auditeurs ont vu ça passer, mais je pense qu'il y avait quelque temps, c'était Facebook qui avait été accusé assez vertement par certains d'effacer les profils de dissidents syriens, et ils disaient, mais regardez, c'est l'histoire récente, on peut pas effacer ça, au contraire, là, c'est important de préserver, de conserver ça, de pouvoir analyser éventuellement ça, de pouvoir faire de la recherche autour de ça. Donc ça ouvre aussi des portes pour les affaires, ça ouvre des portes pour le milieu municipal, et on le voit, les entreprises qui génèrent ces données-là et qui les utilisent eux aussi évidemment pour leur profit, mais sont intéressées aussi à ouvrir des portes vers le milieu de la recherche pour, encore là, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça et comment on peut peut-être éventuellement à terme, faire une meilleure société avec ça aussi. Beaucoup d'applications, autant au niveau entreprise qu'au niveau humain, au niveau historique aussi. On va surveiller ça dans les prochaines années, le big data. Raymond Poirier, merci beaucoup. Ça me fait plaisir.